épisode 4, hélico, lacrymo et tribunaux, pression et répression à très haute tension. Second volet de l'épisode, grandeur et bouffonnerie de la répression mayonnaise. Laisse tomber Charlie, relâche-le. Tu dis que personne s'est pointé, personne s'est pointé. Il n'y a aucune plainte. Le gars, il n'est pas venu. La fille, elle n'est pas venue. Et la population de la ville n'est pas venue. Il n'y a personne, je te dis. La lutte ne prend pas vraiment la même forme entre les deux départements. Et on voit bien que la lutte en Mayenne n'a pas la même vigueur que dans la Manche. Elle peine plus à prendre de l'ampleur et à s'ancrer dans le territoire. Même si en Mayenne, il y a aussi des actions publiques de déboulonnage, il y a aussi des blocages de chantiers, il y a aussi des sabotages. Mais le fait est qu'elle est plus lente et... ouais, la sauce ne prend pas de la même manière. Et de la même façon, les réactions des autorités locales, préfectures, gendarmerie, face à la mobilisation contre la THT, ne se calent pas sur les mêmes temporalités, ni sur les mêmes stratégies répressives d'un département à l'autre. Autant pendant les premiers mois de chantier en Mayenne, la situation était assez tranquille. Autant dès qu'il a été question de solidarité envers des familles opposées au passage de la ligne chez elles, et notamment d'implanter une cabane de résistance sur le terrain de la famille Hameau, c'est coup de matraque et grosse pression. Par exemple, une préfète qui se déplace de nuit chez les gens, des expulsions illégales, des militants bousculés et blessés, et le début des poursuites judiciaires, puis des condamnations. La famille Hameau a été une des rares familles à se mettre en contact avec le collectif de lutte contre la THT en Mayenne. Elle s'est sentie épaulée pour continuer et lutter face à RTE. Et donc, le 2 juin 2012, s'organise sur leur terrain une journée publique pour construire une cabane à côté de leur petite mare et sur l'emplacement de pylônes prévus chez eux. Cette construction était un pied de nez face aux pressions de la préfète. Mais ce jour-là, on découvre brutalement que RTE et la préfecture ont décidé de saper la possibilité d'ancrage chez la famille Hameau. C'est tout le monde qui se fait dégager de leur terre par les gendarmes mobiles. Les gens se font pousser, il y a un camarade de blessé par les gendarmes. Le copain se retrouve en garde à vue et poursuivi pour rébellion. Chose totalement scandaleuse puisque nous, on s'est fait botter les fesses assez violemment sur un terrain privé. Donc, voilà, il y a eu une espèce de bousculade où il y avait les flics d'un côté, la banderole de l'autre. En fait, la banderole, elle avait cassé et qu'ils étaient deux à être tombés et à se retrouver de l'autre côté, enfin, du côté des gendarmes, et que lui, ils l'ont chopé et ils l'ont gardé. Effectivement, quand il se relève, il a un peu de sang et c'est juste après qu'il se fait arrêter. Moi, je me demande si c'était pas une des raisons pour lesquelles ils l'ont arrêté lui, quoi. En fait, la crainte que finalement ils étaient responsables de l'avoir blessé et que du coup, il a arrêté pour se couvrir d'une certaine manière. Voilà, et l'autre, en fait, ils étaient prêts à le prendre, et c'est quelqu'un qui avait un problème cardiaque, et en fait, il y a quelqu'un qui l'a signifié, ils l'ont lâché parce qu'ils commençaient à l'écraser, à le comprimer, en fait, au sol. Bah après les témoignages des gendarmes, finalement, il a bousculé personne, il a renversé personne, voilà, mais malgré tout, il a quand même été condamné pour rébellion. Voilà, pour rébellion, à 400 ou 500 euros d'amende, voilà, pour pas voulu sortir d'un terrain sur lequel il était invité. Donc, il leur fallait quelqu'un, de toute façon. Oui. Je pense que c'est... On déplace pas 80 gendarmes comme ça, un hélicoptère, repartir bredouille, je pense que ça la fout mal. Enfin, ce qui est notable, c'est que toutes les procédures en justice... En Mayenne, elles ont débouché sur des relax. La seule fois où il y a eu une condamnation, le jour où le collègue s'est fait embarquer pour outrage, enfin pour rébellion, on n'était pas dans le cadre d'un acte illégal. On était dans le cadre d'être dans notre droit d'être sur un terrain privé, invité par des gens sur leur terrain privé. Les travaux commencent dans la foulée du coup de pression du 2 juin, quasiment le lendemain. La cabane ne pourra pas se monter et les hameaux subissent nuit et jour la pression des gendarmes et des vigiles, tout le temps des chantiers sur leur terrain. Il y a quand même de la marge de manœuvre pour des actions de blocage et de chantier, de l'ordre de la désobéissance civile, mais la situation est tendue aux abords de la ferme. La situation est d'autant plus tendue pour la famille Amo qu'elle a regroupé autour d'elle des soutiens militants et que la construction des pylônes sur leur terrain est parfaitement illégale. Ce qui fait que le jour de la reprise des travaux, le 4 juillet, on se retrouve dans une situation complètement absurde et scandaleuse où les gendarmes bloquent littéralement les routes d'accès à la ferme et empêchent les militants de rejoindre la famille Amo pour les soutenir. Ce sera en plus l'occasion pour eux de charger pour violence sur gendarme un camarade reconnu comme un actif de la lutte en Mayenne. Ils bouchaient l'accès. De quel droit on peut isoler des gens qu'on soutient? De quel droit? Je me dis, attends, on est pas en France, on est où là? C'est le régime de dictature, ça. C'est lamentable, quoi. Et là, j'ai été condamné, hein, qu'on m'a menacé d'avoir écrasé une fliquette. Bah, de toute façon, ils cherchaient tous les moyens pour me condamner, parce que ma bagnole, il les voyait partout. Hein. La 405, elle est repérée de chez repérée, bon, enfin, ouais. Dix jours après, je les vois débarquer, moi j'ai le sourire. Je prenais l'appareil photo, je les prenais en photo, j'ai le sourire quand même. Et quand je suis sorti, il y a moi le sourire, ils m'ont plaqué la gueule contre le mur. Bah, j'avais les poignets écorchés parce qu'ils m'avaient foutu contre le mur. Quoi. Ils m'ont blessé, oui. Puis les épaules tordues parce qu'ils ont pris le dos de la cuillère. En plus, ils m'avaient foutu la gueule contre le mur, éclaté la main contre le mur. En plus, il y en a un autre qui essayait de me faire tomber, qui me foutait des croche-pattes. Ils étaient deux lascars à me tenir, et l'autre qui essayait de me dire « Oh, va doucement, j'ai 62 balais. » Il y a l'autre, il s'est calmé quand même, mais plutôt des gros cons comme ça. Ils étaient armés derrière le tas de cailloux, prêts à tirer dans ma gueule. Mais attends, si j'avais voulu la dégommer, je l'aurais pas raté. Elle n'aurait pas eu le temps de mettre un coup de savate dedans. Elle a quand même eu le temps de s'écarter et de mettre un coup de pied dans le pare-choc. Et voilà, et de gueuler sur le conducteur qui se garait seulement à ce moment-là. Ce qui n'empêche pas le 10 militants d'être embarqué en garde-ave comme un malpropre une dizaine de jours après l'incident avec la fliquette et de se retrouver au tribunal 8 mois plus tard à la barre devant les juges pour répondre de ses soi-disant actes de violence sur agent par l'intermédiaire de son véhicule. Tout comme le premier copain, il sera condamné dans le cadre d'un procès contre les keufs. Le verdict de son premier procès le condamne à une amende de 500 euros assortie de sursis et à verser 300 euros de dommages et intérêts à la fliquette. En fait, pendant le procès, elle était un peu blême et accompagnée de ses supérieurs hiérarchiques. Et elle était encore gendarme à ce moment-là. Mais en appel, elle n'était plus gendarme. Alors, elle a décidé de ne pas poursuivre sa carrière dans la gendarmerie. Moi, j'ai tendance à croire que si elle n'a pas poursuivi, c'est parce qu'elle a bien vu qu'elle a fait de la merde ce jour-là. Qu'elle a supporté la pression de ses chefs qui l'ont incité à déposer plainte. Elle était toute décomposée là, à l'audience. Ça s'est vu que c'est la hiérarchie qui l'a poussée, elle, et ça s'est vu qu'elle a été lâchée après, jeune qu'elle était. Elle aussi, je pense qu'elle est tombée de haut. Elle était comme plaignante dans le premier procès, mais elle a subi un autre procès où les militants ont porté plainte contre elle pour violation des libertés de circuler, tout ça. C'est moi qui ai été condamné, c'est moi qui paye, alors que c'est eux qui étaient complètement dans l'illégalité. Mais ça, c'est plus long quand c'est dans ce sens-là, c'est plus long quand c'est les militants qui portent une plainte, c'est beaucoup plus long à développer. Parce qu'il fallait bien le mater, le collègue bien connu des services, bien connu de la lutte anti-THT en Mayenne. Il fallait trouver un prétexte. Bon, depuis, ils en ont essayé d'autres, hein, le prélèvement ADN, enfin voilà. Et là, c'était la violence, et la violence, c'est grave quand même. Clairement, Sur cette histoire, la préfecture a adopté la méthode forte pour décourager le soutien à la famille Hameau et par ricochet à toute autre initiative d'émergence d'un point fort de résistance collective le long du tracé. Il y avait d'autres familles d'agriculteurs en Mayenne qui ne voulaient pas de la ligne sur leurs terres, notamment le GAEC de Bourgon, qui regroupait 3 agriculteurs qui étaient aussi venus soutenir les Hameaux. Mais les harcèlements étaient tellement permanents sur toutes les familles qui n'avaient pas signé avec RTE que pratiquement aucune opposition ne pouvait résister à l'appareil d'État en marche. Ce qui fait qu'à Bourgon, à contre-cœur, c'est certain, dans une certaine douleur, et je pense vraiment à regret par rapport à ce qui a été construit depuis des années comme rapport de confiance par des militants qui les soutenaient. Ils ont fini par entrer en négociation avec RTE aux alentours du mois de juillet, puisque déjà, ils voyaient arriver des vigiles, voire des 4x4 militaires, qui se promenaient dans leur cour, alors qu'aucun travaux n'avait commencé dans la ferme, ou sur les champs autour de la ferme, puisqu'ils n'avaient toujours rien signé avec RTE à ce moment-là. Les familles signaient les unes après les autres, à cause des pressions sans cesse exercées par téléphone ou par déplacement par les négociateurs d'RTE, qui étaient toujours sur le terrain, pour faire signer et tenter d'isoler, évidemment, et de taper sur les dernières personnes qui n'avaient pas signé. Voilà, la pression policière qui s'en est suivie a fait qu'ils se sont résignés à entrer en négociation et signer avec RTE, ce qui a donc clos une possibilité de résistance dans ce coin-là de la Mayenne. Et donc, il n'y a absolument plus rien eu après l'histoire de résistance chez la famille Hameau. Ça a laissé quand même beaucoup de traces positives, parce que malgré tout, il y a plein de gens qui sont venus poursuivre la lutte dans la Manche, mais en tout cas en Mayenne, il n'y a pas eu, à notre connaissance, d'autres tentatives ou d'autres demandes de tentatives d'aide, d'autres demandes d'aide, et d'autres tentatives collectives de s'organiser pour résister à la construction de la ligne. Les seuls moments en Mayenne où la lutte a pu prendre forme, ce sont les rendez-vous publics, type action de déboulonnage public ou blocage de chantier. Jusqu'au 11 mars, la situation est hyper tranquille en Mayenne. C'est seulement à partir de l'action publique de déboulonnage du 28 avril qu'on voit pour la première fois des GM. Et après cette action, on sent qu'on ne coupera pas à des procès et à des rendez-vous devant les tribunaux par la suite. Et de fait, c'est devant les tribunaux que la lutte va continuer. Pour vous donner quelques chiffres, l'année suivante, c'est-à-dire courant 2013, les convocations en gendarmerie pleuvent en pagaille. 5 personnes sont convoquées pour l'action du 28 avril 2012 de Saint-Cyr-le-Gravelay, 5 autres pour le blocage du 28 février de Beaulieu-sur-Oudon, puis encore 4 autres personnes pour le même blocage. En septembre, ce sont encore 9 personnes qui sont convoquées pour l'action anniversaire de Fukushima du 11 mars à Motonda. Enfin, peu importe en vrai le nombre exact de convocations, d'autant que toutes les convocations en gendarmerie, et heureusement, faute d'éléments à charge, n'aboutissent pas sur des procès. Mais malgré tout, on voit bien l'orientation judiciaire de la stratégie répressive en Mayenne. We'll be right back. Enfin, on peut peut-être revenir sur l'action du 28 avril, si je ne me trompe pas. C'est probablement une des dernières qu'on a pu faire publiquement. Sur un pylône, où il y a eu de la dégradation sur pylône, où on est reparti sans arrestation, et où il y a eu un méga fichage, puisqu'il y a eu les 40 000 clichés. Donc, j'imagine que c'était plutôt la vidéo. La vidéo qui a été échantillonnée, c'est impressionnant. L'action du 28 avril en Mayenne, cela de particulier qu'elle c'est une action donc avec où a priori des pylônes ont été dégradés, une action publique en masse et qui est probablement la seule qui a abouti après les fameuses ordonnances où on nous menaçait d'astreinte et de poursuites systématiques au civil en cas de présence sur les chantiers, sur les lieux de stockage de RTE et compagnie. Mais c'est vraiment une drôle de séquence, parce que c'est vrai que l'action en elle-même, on a le sentiment que les flics ont largement les moyens de nous empêcher d'accéder au pylône. Et ils nous laissent y accéder, et du coup, enfin, ils ne sont pas dupes, et ils savent très bien qu'en nous laissant accéder à ce pylône, ils nous laissent la possibilité de les détériorer. Dans les mois qui suivent l'action, personne n'est inquiété par les gendarmes. Il faut attendre le mois de janvier 2013 pour voir arriver des convocations en gendarmerie. Par contre, dès l'issue des auditions, on apprend que les 5 personnes auditionnées passeront en procès en même temps pour dégradation de pylône en groupe et avec préméditation, au tribunal de grande instance de Laval dans le mois qui suit. Par chance, le report à l'été du procès est accepté, ce qui permet aux prévenus de préparer leur défense. Là, en fait, c'était des gendarmes de Mayenne qui s'étaient déplacés dans des gendarmeries différentes, parce qu'on était 5, mais pas du tout de Mayenne, enfin, 5 endroits bien différents et très éloignés. Et c'était une convocation écrite dans la boîte aux lettres, adressée à une autre personne que moi. Enfin, le prénom n'était pas le bon. Ils essayaient de jouer un peu au bluff pour avoir des aveux. Que je reconnaisse que j'avais fait... que c'était moi qui avais participé à dégrader le pylône. Quoi, ils voulaient des... Enfin, un écrit, quoi. Comme quoi on le reconnaissait. Pour appuyer leur photo. Cette histoire qui semble très bien organisée, en fait, finit par un fiasco judiciaire, parce que le dossier est incroyablement... léger, quoi, en fait. Enfin, le dossier commence par mettre en avant ces 40 000 photos prises et tout un fichier de gens dans le dossier, où les photos des gens apparaissent avec leur nom. C'est vrai que le procès est vraiment apparu comme une espèce de fanfaronnade, en fait. Avec un procureur qui, au départ, est hyper sûr de lui. Il commence par... vouloir féliciter les forces de l'ordre pour leur enquête. C'est un dossier béton, et effectivement, qu'il n'y a que des photos imprécises, avec des confusions de personnes, avec finalement, il n'y avait rien d'établi de manière sûre, avec des personnes identifiées de manière claire dans le cadre des relations. Il n'y avait pas de flagrant délit, il n'y avait pas d'aveu, donc le procès, il tenait sur rien, en fait. Et après, plus loin dans le dossier, donc les 5 personnes qui sont épinglées comme étant, soi-disant, les auteurs, enfin des auteurs des dégradations sur les pylônes, la manière dont ils sont identifiés comme se prêtant à ces actes-là est juste quasi comique, quoi, en fait. C'est-à-dire que le... Il y avait une personne pour laquelle ils pensaient avoir quelque chose, parce qu'ils avaient récupéré une clé qu'ils auraient laissée sur place. Et pareil, ils ne se sont pas du tout occupés de savoir si cette clé permettait finalement de déboulonner ou de faire quoi que ce soit sur le pylône. Je me dis, oui, mais en fait, la défense, ce qu'elle a pensé, c'est que en fait, ce n'est pas la bonne taille de clé pour pouvoir déboulonner. Du coup, en fait, ça n'a pas du tout pu servir à la dégradation du pylône. Du coup, cette clé-là, elle n'est pas... Elle n'est pas un élément de preuve de participation à une dégradation. Les rapports qu'ils font entre leurs photos où nos visages, enfin les visages des inculpés apparaîtraient très clairs, et des photos de silhouettes de gens en train, soi-disant, de perpétrer les actes. Enfin, le lien est absolument impossible à faire. Enfin, c'est-à-dire entre le bout de capuche qui dépasse de la foule et la personne bien identifiée de face, le juge lui-même est quasiment obligé de rire de cette incompétence policière à faire des rapprochements entre photos et personnes impliquées, quoi. Et jusqu'à même se planter sur l'accoutrement d'un des cinq inculpés qui est soi-disant tout de rouge vêtu avec une capuche rouge, et il se trouve que la personne qui est inculpée a certes un vêtement rouge, mais la capuche est rouge et avec un liseré blanc, et qu'ils oublient de le mentionner. Putain, t'es pas un furet, toi. Ça, je vous le fais pas dire. Moi, je suis plutôt du genre félin. Allez, au pain. Je guette la proie. Je suis un chasseur. Moi, j'aurais pu faire carrière dans la CIA ou un truc du genre. Hein. L'élite, quoi. À la fin, on s'est même rendu compte que RTE n'avait même pas été à même de déterminer que les dégradations avaient eu lieu pendant cette action-là, quoi. Enfin, ça, c'est le gag final de ce procès-là, hein, à se tromper d'heure, en fait. C'est qu'on est inculpé pour une action menée de 14h à 15h. Et tous les autres éléments de dossier montrent que l'action n'a pas pu avoir lieu avant 15h20. Et du coup, enfin, je relisais récemment le dossier de plaidoirie de l'avocat, où le premier élément, et c'est le seul qui a valu, je pense, notre innocence, en fait, c'est qu'il dit mes clients ne peuvent pas être inculpés pour des actes commis entre 14h et 15h, parce que dans le dossier d'instruction, il est dit que l'ensemble des manifestants, entre 14h et 15h, sont sur la place de la mairie à discuter entre eux, et qu'il y a une vraie, je pense, il y a une vraie dissociation entre la préfecture, les agents que la préfecture a sous sa tutelle, qui sont chargés d'organiser la répression sur place, les flics eux-mêmes qui reçoivent les ordres de prendre les photos, et les agents instructeurs de l'enquête, tout ça c'est des personnes différentes, et le procureur, et t'as l'impression qu'il y a une espèce de cacophonie complète entre tous ces échelons de l'administration policière et judiciaire, et qu'au final, là, ça donne en fait une situation plutôt burlesque que menaçante pour nous. Mais bon, c'est un cas de figure particulier, quoi. Je pense que on a bien vu depuis que la justice n'était pas si incompétente que ça dans sa volonté d'inculper et de faire subir la répression auprès des militants. Mais là, en tout cas, ça s'est plutôt bien vécu, du coup, quoi. Les deux procès pour rébellion et violence sur gendarmes et la relaxe des cinq prévenus au tribunal de grande instance de Laval pour l'action publique du déboulonnage du 28 avril, on arrive sur la troisième partie des procédures judiciaires, qui est celle des procès ADN. C'est l'aspect judiciaire le plus cacophonique et le plus bouffon de la lutte contre la THT en Mayenne. Tellement non coordonné que même les gendarmes s'embrouillent totalement dans les procédures. Il suffit de voir les revirements de situation, les re-revirements de situation des convocations au tribunal de Simon, les erreurs de procédure en gendarmerie de notification du refus ADN, pour comprendre à quel point les séquences pour procès suite à des refus de prélèvement ADN ont été bordéliques. Mercredi 25 septembre à 15h25. Hey, bonjour, rebonjour, c'est l'adjudant de la gendarmerie de Mayenne. C'est pour vous signaler qu'il y a eu un problème de communication concernant vos convocations en justice. Alors celle qui concerne le fait que vous n'ayez pas voulu vous soumettre à vos empreintes digitales et aux photos est à refaire, parce qu'on vous a relevé aussi un refus de vous soumettre au prélèvement biologique, ce qui n'existe pas du tout. Et la seconde convocation concernant ce qui se serait passé sur les manifestations est nulle et non avenue, puisque vous n'êtes pas convoqué pour ces infractions-là. Vous n'êtes même pas convoqué du tout, puisque le dossier sera étudié par le procureur de la République. C'est aussi la raison pour laquelle les procès ADN, initiés par des enquêtes mayennaises, qu'ils aient lieu à Rennes, au Mans ou sur Laval, enchaînent relax sur relax. On a l'impression que les procès n'ont pas d'autre but que de poursuivre, à défaut ou par dépit, car pas d'éléments à charge retenables contre qui que ce soit en particulier. Mais c'était déjà surprenant sur le premier procès du coup d'un des cinq inculpés, procès par rapport au refus de prélèvement ADN. C'était la première fois que j'assistais à un réquisitoire du procureur qui était plus radical que la plaidoirie de l'avocat. Enfin, Ce premier procès pour refus d'ADN à Rennes est assez intéressant, et justement effectivement dans le fait de pouvoir gagner sur quelque chose où il n'y a pas forcément des choses de temps libre, c'est que ce procès-là a eu lieu avant le procès des 5. Et que le fait, c'était entre guillemets une relaxe au bénéfice du doute. Et déjà, on a senti qu'il y avait une incapacité du procureur qui n'avait pas le dossier de l'affaire principale, puisque l'affaire principale étant sur Laval, et qui a été un petit peu remise en cause par le juge. Pour la deuxième personne dont le procès a eu lieu beaucoup plus tard, c'était encore plus rocambolesque, dans le sens où la relaxe avait déjà été prononcée, et que le procureur, pour le coup, plutôt que de se faire ridiculiser par le juge, a commencé à le faire par lui-même en signifiant en audience qu'il se demandait pourquoi est-ce qu'il avait poursuivi. Pour le coup, là, il y avait dû avoir mutation de procureur en cours de route, ou en tout cas, ce n'était pas le même procureur qui siégeait devant le tribunal que celui qui avait poursuivi la personne en question. Mais c'était impressionnant, enfin, c'est toujours assez sidérant d'entendre un réquisitoire qui est en fait une plaidoirie. Mais c'est vrai qu'on a eu... c'est des situations d'exception, mais à chaque fois, on a vécu comme... des moments où c'est la justice elle-même qui se ridiculisait. Je vais revenir sur l'intérêt de se défendre de manière collective, y compris lorsqu'on a l'impression qu'il y a des intérêts, y compris collectifs, mais peut-être surtout personnels, à dissocier. Et c'est vrai que c'est vraiment un élément central de préparer la défense ensemble, en fait, et de ne pas se dissocier, ne serait-ce que en ayant chacun un avocat différent, préparant une défense spécifique. Enfin, c'est possible d'avoir des avocats différents, mais il faut vraiment réussir à les accorder sur le mode de défense, quoi. Parce que c'est la seule condition d'être cohérent devant les juges au moment du procès. Là, par exemple, c'est à chaque fois, en fait, dans ces dossiers où on est 3 ou 5 à être inculpés, enfin, ils essayent d'individualiser en fait la stratégie d'accusation, et qu'on a tout intérêt à démonter collectivement et non pas chacun à essayer de démonter son dossier, son histoire, quoi. Parce que par exemple là, sur le cas du déboulonnage en Mayenne, on aurait très bien pu chacun, on aurait pu à un moment donné, ça s'est même posé la question, parce que il semblait que dans le dossier deux personnes étaient un peu plus identifiées que les trois autres sur la possibilité de dire qu'ils étaient en train de dégrader les pylônes. Du coup, il y avait la tentation de se dire peut-être il faut avoir deux stratégies de défense sur les deux qui sont plus nettement impliqués, les trois autres où ça semble moins flagrant. Et au final, on a eu raison de démonter pour tout le monde le dossier, quoi. Parce que finalement, en fait, le juge n'avait pas du tout perçu que deux personnes étaient plus potentiellement plus impliquées. Certes, Mais finalement, voilà, la défense commune était centrale pour gagner à ce moment-là. Quoi. Du coup, c'est aussi un élément, à condition que ce soit défendu collectivement, pour dire que, bah, en fait, c'est un peu pareil pour tout le monde. Quoi. Les erreurs qui ont été faites sur la personne qui n'aurait pas dû être poursuivie ou qui est poursuivie sur des éléments très, très limites, quelque part, ça montre que le travail d'enquête n'a pas été très bon et que ça peut s'intégrer intégrer à l'autre. Alors que le fait de dissocier, finalement, ça veut dire bah, celui-là, il a pas fait grand-chose, ça se voit bien, vous n'avez rien dans le dossier, alors que finalement, peut-être que l'autre, si. Quoi. Et ça a été un peu utilisé sur ce procès de Laval. C'est encore plus intéressant et plus marquant sur un des procès ADN qui, a priori, devait précéder un autre procès pour dégradation, où une des personnes poursuivies pour l'ADN en fait n'était juste pas présente à cet endroit-là, mais qu'elle était présente sur le rassemblement qu'il y avait eu sur une autre place, d'un autre village, avant l'action. Et le fait que cette personne-là n'ait jamais cherché à se diviser, à dire dès le départ... Enfin, moi, j'étais pas là, y compris vis-à-vis des gendarmes. Ça fait qu'ils se sont retrouvés tous les trois devant la justice. Et, enfin, comment voulez-vous prouver ou quoi que ce soit, alors que enfin, vous n'êtes même pas capable de préciser que les trois personnes étaient bien présentes. Le truc, c'est que Jérôme, il était soupçonné d'être présent au déboulonnage de Montaudin. Montaudin, oui. Voilà. Et nous aussi. Ouais. Mais en plus, nous, on était aussi sur l'affaire de Doudou. Voilà. La toupie, oui. Après, c'était moi qui l'avais là. Qui était convoqué. Donc, convoqué à la gendarmerie, convoqué, c'était ça ou c'était donc là, c'était 25 septembre. Convocation à témoignage pour être entendu... par rapport à des faits de dégradation... refus. Dégradation de pylône, je suppose. Mais c'est... parce que... C'était quand en mars Quand j'ai reçu la convocation, on a essayé de chercher... ce qu'il y avait eu cette journée-là. Ce qu'il y avait eu un an avant. Et en fait, par les articles de presse, on s'est dit, c'est la journée-là, il y avait ça comme journée d'action, ou de bizarre quand même, je suis convoqué là-dessus, mais journée-là... je suis simplement à les places de la mairie. Alors, peut-être qu'ils veulent des informations, donc j'y suis allé sereinement. Et puis, dès le début des questions, là, tout de suite, c'était... vous êtes mis en cause. C'était plus convocation à témoin, c'était convocation à témoin, parce que vous êtes mis en cause dans des faits de dégradation et de destruction de biens d'autrui. Tout au long de l'audition, moi, j'ai rien à déclarer, donc ils ont posé leurs questions. Ils m'ont présenté la photo de mon véhicule. Ah oui, c'est vrai. Et ils m'ont demandé, vous étiez bien sur Erné, rien à déclarer, mais effectivement, j'étais bien sur Erné le jour-là. Ce jour-là. Par contre, les faits qui ont eu lieu, c'était sur Montaudin ou... L'Archamp. Ah ouais, mais ça, donc, c'était l'action du 11 mars. Ouais. Enfin, Jérôme est allé au rendez-vous à Erné. Et puis ensuite, j'ai... T'es reparti avec les enfants ici. Je suis reparti avec les enfants ici. Je les ai gardés l'après-midi ici. Ensuite, il me présente une photo de moi. Ok, ben, c'est moi, oui. Après, il me présente une photo d'une autre personne. Ben, il me demande si c'est bien moi. Je n'ai rien à dire, je continue. Tu dis quoi? C'était une personne avec une... Un sweat, une capuche, voilà. Et puis une troisième photo c'est une personne qui est accroupie de dos au pied d'un pylône, donc toujours avec une capuche, donc on ne voit rien du tout. Et en fait, les gendarmes me disent, de toute façon, on a fait le rapprochement, c'est le même sweat... Donc, forcément, la photo d'avant, on vous a reconnu, c'est vous. Vous étiez à Erné, même si ça ne s'est pas passé à Erné. Forcément, Forcément, c'est vous. Et après, il me présente une photo globale avec plein de gens. Et voilà. Donc, j'ai rien dit, rien répondu à toutes leurs questions. Je pense que ça les a un peu énervés. Et puis derrière, il me demande, si j'accepte de donner mon ADN. Et puis, prise de photo et prise d'empreinte palmaire en vue d'être fiché dans leur fichier national, empreinte génétique. Voilà. Donc j'ai répondu non, parce que ça se justifiait pas. Donc voilà, bah, suite à ça, le parquet a décidé de finalement poursuivre, non pas pour les actes de destruction de pylônes, soi-disant destruction, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste, mais pour le refus de prélèvement. Suite à ça, elle était convoquée au TGI de Laval, donc avec Simon et Ronan, parce qu'ils ont reçu le même type de convocation que moi, pour la même journée et puis pour d'autres journées aussi. Il n'y avait rien de concret, quoi, finalement. Parce que sur la partie purement dégradation, pour l'instant, le parquet, on n'a pas de nouvelles. Alors ce qui est étonnant, c'est que il y a quand même... quand il y avait ces rassemblements, c'est qu'il y avait quand même plusieurs gendarmes de présents. Donc, s'il y avait des choses à faire, voilà, je pensais que les gendarmes aimaient bien les flagrants délits. Et là, ils ont pris personne. Ils ont eu consigne de rien faire. Par contre, 2 ans après, on s'aperçoit qu'il y a des affaires comme ça qui ressurgissent. Et comme par hasard, enfin, on a vraiment l'impression que les gens sont ciblés, hein, parce que à nouveau, c'est Simon, Ronan, et puis il y a moi. Et c'est des personnes qu'on, en tout cas, 2 d'entre elles ont porté plainte contre RTE, contre les gendarmes. On peut pas s'empêcher de penser que une certaine forme de vengeance ou de pression qui est mise, quoi. Il ne faut pas oublier que dans la même période, une cinquantaine d'actions ont pu avoir lieu sans qu'elles soient publiques et pour lesquelles ils recherchaient a priori des personnes, ne sachant pas lesquelles, et que peut-être qu'ils avaient tout intérêt à essayer de trouver justement sur des personnes agissant en action publique, soit prendre l'ADN, soit les poursuivre là-dessus. On ne sait trop rien, mais c'est vrai qu'il a été question au moment de la million de dégradations, un million d'euros en coût de dégradation entre des machines sabotées, entre des pylônes démontés, entre des morceaux de pylônes carrément tordus, des incendies sur site de stockage, qui ont fait que, de fait, il devait y avoir probablement une incapacité aussi là, gendarmesque et de la justice à résoudre ou à réprimer là-dessus, qui les a un petit peu poussés à prendre ce qu'ils avaient sous la main et à chercher à prendre ce qu'ils avaient sous la main, et ce, sans en avoir les moyens, quoi. De manière générale, que ce soit Valogne et l'opposition à la THT, toutes les affaires qu'on finit face à la répression judiciaire, la solidarité a quand même bien joué son jeu à cet endroit-là, quoi. En tout cas pour ceux qui ont voulu y faire appel, quoi, en fait, C'est que personne n'a été laissé à lui-même face à ces procès. Sur la question de payer les amendes, payer les dommages-intérêts, payer les frais d'avocat, il y a aussi tout un truc un peu festif malgré tout qui se crée autour de ça quand on organise des soirées de soutien, des concerts de soutien, enfin, qui fait que tout d'un coup, effectivement, la personne elle est plus toute seule face à tout ça, que ce soit l'aspect financier, l'aspect mental aussi, où ça te fout un stress énorme d'être dans des situations comme ça. Et où en fait, il y a vraiment des moments où j'ai l'impression qu'on arrive à finalement créer ces moments-là qui nous renforce énormément, enfin, aussi dans un sens collectif, quoi. Tu vois plein de gens qui arrivent, qui sont contents de venir, qui sont contents de filer de la thune pour ça. Et ça, je trouve ça assez fort. Et, enfin, l'inverse est assez facile, quoi. C'est-à-dire que c'est assez facile que les gens se retrouvent tout seuls, en fait. Parce que la plupart du temps, en plus, il y a des décalages dans le temps assez importants entre les moments d'action épinglés par une procédure judiciaire et le procès lui-même. Et ce laps de temps, des fois, peut laisser un peu à l'abandon les personnes impliquées. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a suffisamment eu d'implication collective face à la répression pour tenir cet engagement de ne pas laisser les gens tout seuls. Et de fait, je pense que c'est indispensable. Je pense que si la plupart des procès ont été gagnés, je pense que c'est en grande partie lié à cette possibilité de prendre le temps de préparer sa défense à plusieurs et avec des avocats complices, quoi. Et que cette complicité des avocats, tu la trouves pas par toi-même, quoi. S'il n'y a pas un collectif qui a déjà fait un travail de fabriquer cette complicité avec les avocats, quoi. Le Ganva, je pense, avait déjà installé un peu des jalons sur ce terrain-là. Je vais juste rajouter un truc. Donc Ganva, ça veut dire groupe d'action non-violente anti-nucléaire. Et de fait, ça a instauré des contacts assez importants et assez intenses avec différents avocats, dont un continue à nous suivre par la suite. Et c'est vrai que lui-même, du coup, sa complicité, elle allait jusqu'à une complicité politique, du coup, en ayant très bien compris ce que nous, on pouvait jouer à chaque procès, quoi, en fait, à la fois d'une dimension politique du procès, mais aussi juste d'une défense qui essaye de gagner, quoi, qui essaye pas juste de flamber dans un discours politique sincère et radical, mais qui essaye aussi de trouver des combines pour être efficace en plaidoirie, quoi. Et ça, ça a plutôt bien marché, en tout cas, c'est... Ça permet d'un autre côté de construire aussi une analyse de la justice qui fait qu'à un moment donné, on peut aussi donner aux gens la possibilité d'avoir une défense politique face à la justice. Parce que toute défense est un peu politique et donc il ne faut pas non plus être dans un truc où on veut absolument construire la défense politique, en fait. Toute défense, à partir du moment où elle est collective, est déjà politique. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a travaillé sur son dossier, on a refusé l'isolement et on l'a travaillé avec d'autres, on est déjà rentré dans un processus politique de collectivisation de la défense et de refus de la justice, en fait, dans ses fonctionnements, en fait. Et ça, c'est très important. C'est ça, ce travail-là qu'on essaie de faire. C'est de déconstruire ce que la justice met en place pour isoler les individus, pour les briser. Et donc, c'est la capacité de se remonter grâce au collectif qui est derrière toi, dans la salle, les gens derrière toi. Tu te remontes d'un cran et tu es au niveau du juge. Et tu as la capacité, à un moment donné, si tu le choisis et que tu te, qu'on a construit suffisamment ce rapport-là de force seulement collectif dans une chose, c'est la capacité du juge et de lui dire mais je t'en en fait concrètement. Épisode 4, la répression en Mayenne. La suite de la série radiophonique, ça grésille dans la THT Cotentin-Mayenne. Bonne écoute. Vous pouvez nous retrouver sur antithT.noblogs.org.